مثلا مرنت بالقاضي تجيب مرنت بالقاضي تم كذلك لا شيء في الإعراب وجاء القاضي مجرور بالحرف جر تم وجاء اسم مجرور مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة كي سوز انتندو منع من ظهورها qu'est-ce qu'on fait chez qu'on la voit الثقال c'est que c'est lourd sur la langue. Vous allez voir que lorsque ce sera mansoub tam la fatha, la fatha va apparaître dans ce cas là exceptionnellement. Pourquoi? Parce que c'est khafif ala lisan tam. مثلا tu dis ra'aytu al-qadiya yamshi tam ra'aytu al-qadiya yamshi huna la fatha elle apparaît sur la ya. Pourquoi? Parce qu'elle est thaqil ala khafif ala lisan tam. Donc dans les kalimas qui sont al-qadi fi amsalha celle qui se finit avec une ya tam al-i'rab il va pas apparaître lorsqu'il aura quoi une damma ou bien kasra lakin lorsqu'il aura une fatha, il va apparaître. Les arabes de Moussa, l'écrire. Yallah, bismillah. Tam, akaba. Bah, maintenant, si on fait les arabes de Hada, Moussa, tam. Donc, Moussa, ce sera quoi? Khabarun marfou'. Tam, j'ai oublié de marquer, bil mubtada, sahel. Wa alamatu raf'ihi, la alama, le dalil qui nous montre qu'il est marfou', adammatu. Al muqaddara. La damma qui est muqaddara, parce qu'elle n'est pas apparente. Tam, sous-entendu. Mana'a min dhuhuriha, si elle n'est pas apparente, quel est le sabab qui a fait qu'elle n'est pas apparente? Mana'a min dhuhuriha, c'est quoi la chose qui a empêché qu'elle soit apparente? At-ta'abdhur. C'est que c'est impossible qu'elle apparaisse avec kalimat Moussa, ou ma kalimat lati avec la mathan America, Faransa, qui se finit avec une alif asa, c'est impossible que ça apparaisse. Et inshallah, tabarak wa ta'ala, inshallah, ta'abanu plutôt, ista'inu ala, al masmu'a tamam. Les durus, ils sont musajjal. Et inshallah, c'est pour ça qu'on essaie de parler tout doucement au niveau de pour ces arabes là, pour ceux qui veulent réécouter, et c'est ce qu'on vous enjoint, parce que lorsque tu réécoutes, tu répètes, et le fait de répéter, ça rajoute dans la mémorisation même, et kadalika dans la al-muraja'a, dans la révision. Donc ils sont sur le, inshallah, ils sont sur le site le plus vite possible, et pour ceux qui veulent les arabes, parce que si jamais on se met à écrire, ça va prendre du temps quand même. Donc inshallah, ça c'est l'unique arabe que j'écrirai, inshallah. Et pour la, ceux qui veulent les arabes, tamam, ça sera sur le site. Tamam. Ou Inch'Allah, j'essaierai à l'avance de préparer quelques arabes comme ça. Tamam. Donc là, كذلك مع الواو. كذلك si je trouve une kalima qui se finit avec un waw. Comme مثلاً avec le fi'l. Tamam, le fi'l, مثلاً, da'a. Da'a, في المضارع, tu dis quoi? Yad'u. Est-ce que tu dis yad'u ou la? Pourquoi? C'est la même chose que quoi? Celui qu'on vient de voir avec Qadi. Tamam, c'est thiqal, c'est dur, tamam, c'est lourd à prononcer. Tamam, et kadhalika, lorsque la kalima, tamam, asura mudafa ila ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim, c'est lorsque tu apportes une information sur toi. Tamam. Mathalan, si jamais je veux dire hadha qalami, tout simplement. Tamam. Hadha qalami. Tamam. Hadha, inshallah, l'i'rab, c'est le mubtada, c'est pas ça qui est, comment s'appelle le but. Tam on veut qalami. Tam qalami, c'est quoi l'arabe? Tu diras qalami khabarun marfou'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu. Donc la même chose que ça, tamam. Mana'a min dhuhuriha al-munasaba. Mana'a min dhuhuriha al-munasaba. Pourquoi? Yani la damma, elle n'a pas apparu dans kalimat qalami. Parce que là, on a mis une harakat qui est munasiba. Parce que lorsque une kalima se finit avec le ya, comme c'est le ya, al-mutakallim. Qalami, c'est-à-dire, c'est mon stylo, tam, mon stylo. Tam qalami, le ya là, il peut avoir qu'une kesara qui la précède, tam. C'est impossible que qalamui, tu peux pas dire ça, tam. Qalamui, qalamai, tam, tu peux pas dire ça, tam. Le ya qui est pour le mutakallim, tam, la haraka qui vient juste avant lui, c'est obligé que ça soit quoi? Une kasara. Donc là, la dhamma, elle n'a pas pu apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a une haraka qui est plus juste d'être présente que la dhamma qui est quoi? La kasara. Parce que la kasara, elle suit la ya pour le mettre. Donc ça, c'est juste mimbab, afin que vous compreniez de manière générale, qu'est-ce que les arabes taqdiri. Sinon, ce n'est pas le but, ce n'est pas vraiment le but. Et ça, c'est, on verra, inshallah, si Allah Azza wa Jalla les facilite, dans le kitab qui va suivre, qui s'appelle Al-Mutammima, tamam. Lakin c'est juste une bab que tu saches de manière globale, comme ça générale, qu'est-ce que l'i'rab al-taqdiri, tamam. C'est celui dont la harakat elle est quoi? Elle est sous-entendue, et qu'il y a une chose qui a empêché, qui a fait qu'on ne peut pas la voir et qu'elle n'apparaît pas, qu'on ne peut pas qu'à

لكن c'est pour que يعني من باب التقريب afin que vous voyez le sens. Lorsque tu dis مثلا سبحانك الله تعالى سبحان الله سبحان الله أي معنى ذلك أسبح الله سبحانه تمام je glorifie Allah سبحانه وتعالى d'une glorification تمام ف سبحان يعني العامل il est jamais évoqué تمام tu vas pas trouver dans une jumla أسبح الله سبحانه أبدا تمام si jamais سبحانه il est évoqué son عامل il est sous-entendu il est jamais évoqué وجوبا il apparaît pas تمام وجوبا il apparaît pas لكن si jamais on fait l'i'rab تمام de سبحانه on va dire que c'est quoi c'est une kalima qui est mu'rabah et c'est quoi son hamil il est sous-entendu c'est pour ça qu'il finit avec une fatha on va voir c'est un maf'al mutlaq ça c'est une chose inchallah qui va venir donc lorsqu'ils ont dit biduni hamil c'est pour exclure les kalimas qui sont halatan wahida qui ne changent pas lakin bi hamil tamam bi hamil fa lidhalika ihtarazu qui se sont réservés de ramener cette parole là qui est quoi biduni hamil c'est qu'il n'y a pas de hamil il n'y a pas de sabab qui fait que Haoula il s'est fini avec une kasra ou bien Kam il s'est fini avec une sukun ou bien Haythu tam c'est une kalima kadalika qui bouge jamais Haythu avec une lamma et mon quoi la fatha Aina مثلا Aina c'est une kalima qui se finit toujours avec une fatha est-ce que c'est du bisabab hamil là tam fa al kalima allati taltazim halatan wahidatan bidouni hamil on appelle ça quoi kalimatun mabniya qui est quoi mabni c'est-à-dire c'est Abu Jamal hein? Donc ça c'est important il n'avait pas évoqué le mu'allif rahimahullah ta'ala lakin c'est une chose qui est importante. Lorsque tu évoques l'i'rab, il faut évoquer كذلك ايش البناء تمام et les kalimat qui sont mabniya tam al ahruf tam les huruf كلها mabniya tam al huruf كلها mabniya tam wal af'al aktharuha mabniya al fi'l amr كله mabni le fi'l amr ils sont tous mabni wal fi'l al madi كله mabni ils sont tous mabni amma al fi'l mudari أكثره إيش؟ أكثره معرب. La plupart du fi'l mudari est معرب. Et quelques certains cas, ils sont quoi? Ils sont mabni. كذلك الأسماء. أكثر الأسماء معربة. La plupart des أسماء ils sont quoi? Ils sont معربة. Et certains des أسماء ils sont quoi? Ils sont mabni. تمام؟ Ils sont mabni. Inch'Allah, on va se contenter de cela. On va se contenter de cela. Inch'Allah, et demain. Demain, Inch'Allah, si jamais c'est possible, si jamais vous pouvez vous présenter à 19h15. تمام؟ Donc inchallah je vais faire on va changer la l'heure du cours ça sera à 19h15 le cours de demain inchallah à 19h15 et كذلك inchallah le dars fi al-usul min ilm al-usul inchallah va le descendre كذلك parce que le dars il a descendu chez nous donc inchallah la place qui soit on va dire c'était à 1h30 non 1h30 c'est chez moi donc midi et demi midi et demi on va le mettre inchallah je vous fais part soit midi un quart ou bien soit midi pile. Ça inchallah s'il n'y a pas de questions par rapport au cours d'aujourd'hui, on se contente de ça là inchallah. Rodan à 19h15. On poursuivra inchallah la leçon avec alamat ou plutôt bab ma'rifati alamat al-arab inchallah en espérant que le cours ait été واضح pour الكل تمام. Et inchallah on répète pour les personnes inchallah qui veulent participer dans sahukum wa shusmu nahuthukum d'avoir des identifiants barakallahu fikum qui ne laisse pas apparaître l'homme de la femme, hein? Qui ne laisse pas apparaître l'homme de la femme. Donc, Inch'Allah, on le répète, on ne va pas chanter, Inch'Allah, le tant qu'on peut, parce qu'Inch'Allah, antum ala khair, vous voulez le khair, hein? Vous voulez le khair, lakin kadalika, lil khair lahu abwab, hein? Afin d'obtenir le bien, il faut prendre l'abwab, comme Allah subhanahu wa ta'ala, wa atul abwab, wa atul buyut amin abwabiha. Donc, Inch'Allah, yani, histoire de fermer la porte à la fétaine, ceux qui ont des identifiants qui laissent apparaître le genre de cette personne-là, que ce soit, comment ça s'appelle, du genre féminin ou bien du genre masculin, qu'il le change, hein. Il le change, Inch'Allah, c'est mieux, afin de fermer la porte à la fitane, hein, ou fitane, que personne ne parle avec l'autre, hein. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Juste, barakallahu fikoum, c'est une bab, c'est une wasiya qui nous a fait notre cheikh, Abdelraqib al-Kokabani, nous a dit, c'est mieux, hein, afin de fermer la porte à la fitane, que ceux qui participent, ils ont des identifiants qui sont quoi? Qui ne laissent pas apparaître le genre de cette personne-là, comme ça, c'est mieux. On ne sait pas qui est l'homme de la femme, hein. Que ce soit pour mon adresse ou que ce soit pour vous, hein. Tout le monde il est, Inch'Allah, préservé. Wa alaykoum salam. Donc, barakallahu fikoum. Essayez de faire un effort par rapport à cela. Barakallahu fikoum. Donc, Inch'Allah, on se contente de cela. On laisse Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima sami'ana wa an yarzuqana ilman yanfa'ana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wassalamu alaykoum wa rahmatullah wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.